Le Chevalier de Saint-Georges de Roger de Beauvoir, tome 4e, chapitre 16e. Les bâtonnistes. Un quart d'heure avait suffi pour faire de ces salons, si peuplés auparavant, un véritable désert. Le bruit des voitures ne retentissait déjà plus qu'à de faibles intervalles. Les bougies se mouraient aux branches des candélabres, quelques pas de valets ébranlaient à peine les cours. Bientôt tout devint silence, et il ne demeura que deux personnes éveillées dans les petits appartements du palais royal. C'était Saint-Georges et Madame de Montesson. À peine Maurice venait-il de jeter au chevalier ses insultantes paroles que le bras de la marquise était venu s'interposer entre le sien et celui de Saint-Georges. Elle-même avait entraîné ce dernier vers un cabinet dont elle referma la porte sur lui. Parmi les nombreux spectateurs de cette scène, il ne s'en trouva pas un qui n'applaudît à ce mouvement de Madame de Montesson. C'était chez elle que cet éclat venait d'avoir lieu. La force physique de Saint-Georges était encore doublée par son irritation. Il ne tenait qu'à lui d'écraser ce faible jeune homme. La marquise usait de ses droits de maîtresse de maison en le séparant de son agresseur. Moins que tout autre, le duc d'Orléans eut songé à désapprouver cette généreuse précaution. Il n'entrait pas dans l'esprit de son Altesse d'en pénétrer le motif. D'ailleurs, le spectacle joint au concert avait déjà endormi réellement le prince, qui se contenta de recommander à la marquise les plus grands égards pour son prisonnier. Il regagna sa chambre appuyé sur le bras de M. de Dufort. La marquise et Saint-Georges demeuraient donc seuls. Saint-Georges, les lèvres encore agitées par la colère, la marquise fixant sur lui un regard pénétrant et inquiet. Le chevalier ne se sentait guère disposé à rompre le premier ce froid silence. Il s'était assis devant la cheminée et se contentait de battre de temps à autre le parquet de son talon. Comme le bronze reluit à la flamme, son visage, dont chaque muscle était en jeu, réfléchissait les lueurs qui sortaient de l'âtre. Ses dents blanches claquaient violemment. Son front ruisselait de sueur. Sa main, par un mouvement machinal, demeurait encore sur la garde de son épée. La marquise venait elle-même de dégrafer sa robe de pomone. Elle se jeta sur un sofa. « Vous avez là, dit-elle au chevalier, une charmante bague, laissez-la-moi voir. » Il lui présenta sa main. Aucun de ses gestes n'avait échappé à la marquise dans cette fatale soirée. La contrainte que son rôle d'opéra imposait à Madame de Montesson ne l'avait pas tellement liée qu'elle n'eût pu voir distinctement le manège amoureux du chevalier. Elle en avait suivi chaque progrès, avec une incroyable avidité. Elle-même n'avait choisi cette soirée que comme une pierre de touche, bien résolue d'y épier l'impression que la nouvelle inattendue de ce mariage ferait sur l'esprit de Saint-Georges. Dans les entr'actes, elle avait collé son œil au trou de la toile comme une actrice ordinaire. Elle avait pu le voir échangeant avec Agathe une sorte de conversation muette. Chaque soupir sorti du cœur de Saint-Georges était venu retentir à son oreille. L'humiliation et le dépit l'avaient brisé. Au milieu de ce monde préoccupé du seul intérêt de la comédie, cette intelligence et cette sympathie de deux êtres, ne s'entretenant que de leur amour, lui avaient paru une injure. La vue de cette bague passée au doigt du mulâtre lui avait fait presque autant de mal qu'à Maurice. Un secret instinct lui disait que c'était celle d'Agathe. Elle n'eut pas de peine à s'en convaincre en voyant le chiffre qui s'y trouvait gravé. « C'est une fort belle bague, ajouta-t-elle avec ironie, pour une bague de Saint-Malo. » Saint-Georges ne répondit pas. Il était agité de mille pensées. La rage, l'indignation, le désir de la vengeance doublaient alors la vivacité de son regard. Il demanda brusquement à la marquise de quel droit elle l'avait empêché de châtier un insolent, un homme qui venait de l'injurier dans son salon même, sans qu'il eût donné le moindre motif à ses invectives. « Je ne veux point justifier le marquis de Langeais, répondit-elle froidement. Peut-être cependant trouverait-il de bonnes raisons pour appuyer cette insulte. Lesquelles ? Reprit impérieusement Saint-Georges. « Mais quand ce ne serait, chevalier, que la façon étrange avec laquelle vous regardiez sa femme pendant la soirée. Vous ne l'ignorez pas, Mademoiselle Agathe de La Haye épouse le marquis. » Saint-Georges se contenta de se promener à pas pressés par la chambre. Madame de Montesson fut trompée dans son attente. Elle espérait que le chevalier se justifierait. « Vous gardez le silence, Saint-Georges. Vous ne voulez pas même me rassurer. Vous avez raison, vous n'y réussiriez pas. Croyez-vous donc, continua-t-elle, que je n'ai pas tout vu. Me prenez-vous pour une de ces femmes que l'on abuse? Si j'ai invité cet enfant à mes spectacles, pensez-vous que ce fut pour supporter votre inconvenance audacieuse, votre silence concerté, vos regards enflammés allant au-devant de cette singulière héroïne? Grâce à elle, vous ne m'avez pas seulement vu, vous m'avez à peine applaudi, moi, la reine de cette fête. De cette heure aussi, j'ai acquis la preuve de votre inconstance. Vous êtes lassé de moi, sans doute, il vous faut un jouet, une figure de roman. L'intéressante beauté que cette petite fille qui va devenir dans 3 jours l'épouse de monsieur de Langeais. Vous oubliez, madame, qu'elle peut devenir sa veuve. Il est impossible de m'avouer plus naïvement que vous détestez le mari. Réfléchissez, cependant, qu'allez-vous faire? Vous emporter contre le fils de monsieur de Boulogne, le fils d'un homme grave, puissant, car vous n'ignorez pas que c'est son fils. Je le sais, on me l'a dit. Mais que m'importe à moi, monsieur de Boulogne? Que me fait le crédit d'un contrôleur général? Peut-il empêcher que je n'aie été insulté par son fils et qu'il me faille une réparation? Ce jeune homme, Saint-Georges, vous fera sans doute des excuses. La vivacité d'un premier mouvement. Je vous ai bien vu il y a 3 ans, reprit-elle avec une malicieuse tranquillité, chercher querelle à un officier du royal allemand qui me regardait à l'opéra. Pourquoi voulez-vous que la susceptibilité de monsieur de Langeais ne se soit point émue de votre persévérance d'admiration vis-à-vis d'Agathe? Pourquoi? Pourquoi? Répondit-il avec rage et en continuant de se promener par l'appartement. C'est parce que j'étais l'ami de cet infâme, que j'exposais ma vie pour lui. Mais, interrompit-il, vous ne savez pas tout cela. Je sais, Saint-Georges, que vous me trompez, que mon amour n'est plus qu'un fardeau qui vous pèse. Vous parlez de l'ingratitude de ce jeune homme, oubliez-vous donc la vôtre. Ah, de ce soir, hélas, je sais ce que vous valez. Vous ne craignez pas de fouler aux pieds le souvenir de mes bienfaits. Je ne le vois que trop. Je ne suis plus rien dans vos souvenirs. Et cependant, continua-t-elle avec hauteur, c'est moi, Saint-Georges, moi seul, qui vous ai fait ce que vous êtes. Le titre que vous avez vient de moi. Votre place, votre nom. Assez, madame, assez. Épargnez-moi l'humiliation des reproches. Si vous voulez m'insulter, même après, monsieur le marquis de Langeais, je ne pourrai combattre avec vous armes égales, je préfère me retirer. Pour la rejoindre, n'est-ce pas? S'écria-t-elle en se dirigeant vers la porte. Vous avez quelque intelligence secrète dans la maison, chevalier, il vaudrait mieux me le dire. Oh, si vous me trompez, je me vengerai. Dieu veuille qu'après avoir éprouvé ce qu'était mon amour, vous ne ressentiez pas les effets de ma colère. J'ai un rendez-vous, madame, un rendez-vous d'honneur que je dois assigner à ce jeune homme. Permettez que je me retire chez moi. Vous pouvez lui écrire à cette table, un de mes gens portera la lettre. Je n'ai pas cœur d'éveiller les soupçons du duc en demeurant chez vous à cette heure tardive. De grâce, souffrez que je parte. Vous n'y songez pas, à 2 heures du matin, vous pourriez courir quelque danger. La nuit est noire, n'entendez-vous pas ces gouttes de pluie? Il faut que je sorte, reprit vivement Saint-Georges en saisissant son manteau. J'ai quelqu'un à voir cette nuit. Demain, je vous promets de revenir. Quelqu'un, avez-vous dit? Oh, par pitié, ajoutez que ce n'est point elle, jurez-le-moi, continua la marquise en joignant les mains. Je vous le jure. Saint-Georges, vous oubliez que demain vous avez cette triste affaire. Je ne vous verrai pas de la journée. Restez près de moi, je vous en supplie. Autrefois, il ne fallait pas vous supplier. Elle avait penché doucement sa tête sur l'épaule de Saint-Georges. Madame de Montesson était encore belle. En ce moment, son visage avait pris une telle expression de terreur que si le chevalier n'eût pas été en proie à tout un orage de pensée, il eût reporté sur cette femme un regard de compassion et d'intérêt. Mais le souvenir récent de son injure l'agitait comme la fièvre. Il avait hâte de quitter ce lieu dont chaque mur, chaque écho semblait lui répéter encore l'outrage de son imprudent ennemi. L'amour intéressé de cette femme aurait-il la force de l'arrêter en ce moment? Ne venait-il pas se placer devant une image chérie, celle d'Agathe, la seule qui eût pu enchaîner peut-être sa vengeance? Le ton avec lequel la marquise lui avait rappelé ses bienfaits entretenait dans son âme un dégoût hautain auquel il lui fallait se soustraire. Il voulait regagner son hôtel. La femme dans le sein de laquelle il voulait épancher son désespoir et sa honte, c'était sa mère. Il la réveillerait, il lui dirait sa douleur. Après tout, on ne l'avait insulté que parce qu'il était son fils. Ce n'était que devant elle et Dieu qu'il devait agiter la question de sa vengeance. De son côté, madame de Montesson tremblait, évidemment moins pour l'issue de ce duel, si toutefois ce combat devait avoir lieu, que pour le renversement de ses espérances. Elle n'entrevoyait qu'avec une secrète angoisse le triomphe assuré du chevalier. La main de la marquise se mouillait d'une sueur froide en pressant la main de cet homme, qui peut-être reviendrait l'époux d'Agathe. il faut être femme, et femme déjà vieille, pour comprendre tout ce qu'il y a d'alarme et de désespoir dans l'examen du lien fragile qui vous attache un amant plein de force et de beauté. Le caractère entreprenant du chevalier autorisait les frayeurs de Madame de Montesson. Qu'allait-il faire cette nuit? Tenter peut-être l'enlèvement de la jeune fille? La marquise maudit alors les entraves qui la retenaient. Elle eût voulu le suivre, ne plus le quitter, assister sous le voile à chacune de ses démarches. Mais il était trop tard, Saint-Georges avait fui. Elle se retrouva bientôt en habit de fête devant sa glace, si pâle, si abattue, qu'elle eut presque peur de s'y regarder. Cependant, Saint-Georges, ramenant sur lui les plis d'un ample manteau, tournait le coin de la rue Saint-Honoré. La pluie et le vent contrariaient sa marche. Malgré le peu de distance qui le séparait de son hôtel, il songeait à doubler le pas quand il se vit assailli par 6 hommes armés de bâtons qui sortaient d'un cabaret borgne de la rue Pierre Lescot. Le peu de lueur que jetaient les réverbères, autant que la promptitude de cette attaque imprévue, ne lui permit pas de distinguer d'abord les traits de ces inconnus. Mais à la manière dont ils jouèrent du bâton, le chevalier ne put douter un instant que ce ne fussent des maîtres bâtonnistes. Qui pouvait avoir payé ces hommes pour une attaque nocturne? C'est ce dont Saint-Georges n'eut guère le temps de s'embarrasser, car il les vit bientôt se précipiter sur lui avec une telle vitesse et les croiser si impétueux qu'un autre que lui s'en fût trouvé étourdi. Heureusement, le chevalier connaissait cette arme. Il parvint à saisir celle de l'un des agresseurs. Se défendant alors de son mieux, il gagna du pied jusqu'au corps de garde où se tenait le guet dans la rue Saint-Honoré. Les bâtonnistes avaient choisi le moment d'une patrouille. Il ne restait qu'un factionnaire dans la guérite. Au cri du chevalier, cet homme fit feu. Mais soit que le coup fût mal dirigé, soit qu'il n'eût atteint que légèrement un des malfaiteurs, 4 d'entre eux n'en poursuivirent pas moins Saint-Georges avec une étrange promptitude. Ils cernèrent bientôt la porte du chevalier de manière à lui en interdire l'entrée ou à ne lui céder qu'après une vive résistance. La fureur saisit Saint-Georges au point qu'il n'en étendit un sur le carreau d'un seul revers de manchette. L'ombre devenue plus épaisse et la pluie tombant à flots avait presque fini par l'aveugler. Déjà, même il avait dépassé sa porte, poussé et repoussé qu'il était par ce flot de combattants dont l'acharnement semblait s'accroître. Les efforts multipliés qu'il venait de faire avaient engourdi son bras. Le sang coulait de l'une de ses manches. Une minute encore, il allait se trouver sans force. La lueur inespérée qu'il entrevit en ce moment critique au premier étage d'une maison de la rue de l'Oratoire vint ranimer son courage. Rassemblant toute sa vigueur, il parvint, en rouelant toujours du bâton avec une grande adresse, à s'acculer dans l'allée sombre et profonde de cette maison qui lui était inconnue. La porte de l'allée avait un verrou, le chevalier le tira sur lui.